Anne de Monsieur de Balzac par Madame Émile de Girardin. Sixième partie. Chapitre 21. Un fantôme. Voilà deux caractères inventés exprès pour ma canne, pensa Tancrède. Une jeune fille rêveuse qui ne sait ce qu'elle fait, qui n'écoute rien, qui ne regarde pas où elle est, qui se croit elle-même étourdie et qui s'attend à se tromper toujours. Une mère assez crédule, accoutumée aux enfantillages de sa fille, qui est même flattée de ses distractions et qui les considère comme autant de preuves de poésie. Plus cette fille dira de choses extravagantes et incompréhensibles, plus on la croira poète. C'est au point qu'elle deviendrait folle, qu'on ne s'en apercevrait pas. Tancrède n'osa suivre Clarisse dans sa chambre, un sentiment de respect le retint. Un autre sentiment lui inspira aussi cette délicatesse. Il se trouvait trop mal vêtu pour un fantôme, il n'osait risquer une apparition en redingote. Il n'était réellement pas assez élégant pour un idéal. D'ailleurs, il aimait déjà trop pour ne pas tenir à lui. On acquiert à ses propres yeux une grande importance aussitôt qu'on aime. On ne se risque plus légèrement. Dès qu'il fut possible de sortir de la maison où demeurait Madame Blandet, Tancrède revint chez lui. Le lendemain, en s'éveillant, il se souvint de Clarisse, et il s'avoua qu'il s'était attaché à elle, en un jour, comme s'il la connaissait déjà depuis son enfance. Il l'avait trouvée si gentille, si simple, qu'il avait oublié qu'elle faisait des vers. Ce fut par vanité qu'il se le rappela. Ce rôle d'idéal qu'il se préparait à jouer flattait singulièrement son orgueil et le réconciliait avec sa trop grande beauté, avantage dont il avait tant souffert. En effet, c'était une noble ambition que de se faire l'Apollon d'une si charmante Sibylle, que de réaliser de si poétiques chimères, de s'approprier de si beaux rêves, de dominer une imagination si pure, enfin de se faire adorer comme ange, quand on possédait toutes les qualités d'un mauvais sujet. Cependant, comme Tancrède était au fond un très honnête homme, il ne voulut pas risquer d'être aimé avant de savoir si Clarisse lui plairait assez pour qu'il consentît à enchaîner sa vie à la sienne, et il s'appliqua d'abord à l'observer mystérieusement. Cette observation ne le laissa pas longtemps dans l'incertitude. Chaque fois qu'il voyait Clarisse, il l'aimait davantage. Tout ce qu'il découvrait dans son âme de candeur et de poésie le charmait. C'était l'inspiration surprise dans ce qu'elle a de plus sublime, c'était l'amour observé à sa naissance, dans sa pureté première, un amour vague et frais comme un feuillage de printemps. C'était enfin le mélange le plus gracieux, un rêve passionné dans un cœur plein d'innocence, un regard de génie avec un sourire d'enfant. Cette situation d'observateur invisible avait tant de charme que Tancrède se plaisait à la prolonger. Et pourtant il était déjà bien amoureux. Mais la tendresse qu'inspire une jeune fille est plus patiente. On regrette pour elle cette sainte ignorance qu'un jour, d'amour, doit lui ravir. Un adieu est toujours triste, même lorsqu'il conduit au bonheur. Clarisse était joyeuse sans savoir pourquoi. Elle vivait dans une atmosphère d'amour qui l'enivrait. Tancrède, invisible, était souvent près d'elle. Cette présence voilée agissait sur son âme à son insu. Parfois, une rapide apparition lui faisait entrevoir le gracieux fantôme. Elle souriait. Elle s'était accoutumée à ses visions. Elle s'y attendait. Elle y comptait. Si elle lui avait manqué plusieurs jours, elle aurait été malheureuse. Sa vie se passait doucement, tantôt à faire des vers brillants de jeunesse et d'espérance, tantôt à courir dans le jardin assez grand de la maison qu'elle habitait. Elle chantait souvent, pendant des heures entières, des airs connus, et puis d'autres qu'elle improvisait dans sa joie. Sa mère, qui rendait ses folles roulades, lui demandait alors: « Qui te rend si contente? Qu'as-tu donc ?» Elle n'avait rien, elle avait 16 ans et il faisait beau. Cela suffisait bien pour expliquer ce bonheur. Le séduisant fantôme était aussi pour quelque chose dans cette joie, mais Clarisse ne pouvait le savoir, puisqu'elle croyait que ces apparitions extraordinaires étaient son imagination. Quelquefois, elle en parlait à sa mère en riant. « Oh, maman, disait-elle, il m'est arrivé hier une chose singulière. Comme j'arrangeais mes cheveux devant la glace, tu vas te moquer de moi. Eh bien, j'ai vu mon beau jeune homme. Dans la glace ? Oui, je me suis retourné tout de suite, croyant qu'il était derrière moi, mais il n'y avait personne, et pourtant je crois bien avoir entendu rire. « Allons, dit Madame Blandet, voilà maintenant que tu veux l'entendre. Autrefois, tu te contentais de le voir. » Clarisse raconta cette apparition à sa mère, mais en voici une autre qu'elle ne raconta pas. Tancrède avait reçu une lettre de M. de Balzac qui annonçait son prochain retour à Paris. Le moment de rendre la canne était venu. Il fallait se hâter de profiter de sa puissance. Un matin que Tancrède était venu voir Clarisse, il l'avait trouvée tout en larmes. C'était bien triste alors d'être invisible, de voir pleurer la femme qu'on aime et de ne pouvoir lui demander ce qui l'afflige, de ne pouvoir la consoler. La pauvre enfant pleura longtemps, puis vint Madame Blandet, qui lui dit d'un ton sévère de mettre son chapeau et de venir avec elle se promener au jardin des plantes. La course était longue et cette promenade ressemblait assez à une punition. Madame Blandet comptait sur les marches forcées pour calmer l'imagination trop exaltée de Clarisse. Il était évident que Madame Blandet avait grondé sa fille. Pourquoi ? Voilà ce que Tancrède voulait savoir. Il suivit Clarisse et sa mère. Il écoutait. Mais d'abord, elles cheminèrent en silence. Enfin, Madame Blandet prit la parole. « Tu t'en repentiras plus tard, ma fille. Toutes tes rêveries ne te mèneront à rien. D'ailleurs, ce jeune homme est très aimable, et puisque Madame de D s'intéresse à lui, certainement ce doit être un homme distingué. Si tu repousses toutes les occasions, tu ne te marieras jamais. Ton invisible ne t'épousera pas, et tu resteras vieille fille. Vrai, mon enfant, tu n'es pas raisonnable de refuser la chance d'un bon mariage pour des rêveries folles. Il est de mon devoir de t'éclairer. Je t'ai pardonné quand tu as refusé un homme plus âgé que toi, mais cette fois je serai plus sévère. Ah, c'est cela, pensa Tancrède. Pauvre petite, on la tourmente, il faut lui donner raison. Tancrède accompagna Clarisse jusqu'au jardin des plantes, puis, la livrant aux animaux féroces, il revint chez lui écrire à sa mère ses doux projets de mariage. Le soir, il retourna auprès de Clarisse. Elle s'était retirée de bonne heure. Fatiguée de sa longue promenade, elle dormait profondément. Tancrède pénétra dans sa chambre en ouvrant la porte le plus doucement possible. Clarisse n'entendit rien. À cet âge, le sommeil est une léthargie. Tancrède fut étonné de trouver Clarisse déjà couchée et endormie. Il s'approcha de son lit doucement. Il entendit cette respiration égale qui prouve un sommeil réel, si profond qu'il ne permet pas à un rêve de voltiger, à un souvenir de survivre. Qu'elle dort bien, pensa Tancrède. Et ce sommeil qui lui faisait envie lui inspira beaucoup de respect. C'est bien là le sommeil d'une pauvre jeune fille qui a pleuré, se disait-il. Elle doit être bien lasse, une si longue course dans Paris. Elles n'ont pas osé aller en voiture par économie, et Clarisse a préféré revenir à pied plutôt que de se hasarder dans une voiture publique. J'aime ça, et lui sait bon gré de ce petit orgueil. Clarisse est d'une nature trop élégante pour sa condition. Quel bonheur d'être riche et de pouvoir lui donner dans le monde la position qu'elle mérite. « Oh, ma jolie Clarisse, que je t'aime !» En disant ces mots, Tancrède se pencha vers le lit et imprima sur les joues roses de Clarisse un chaste baiser. Clarisse ne s'éveilla point. Tancrède, que ce baiser avait troublé, en risqua un plus tendre. Clarisse ne s'éveilla point. Alors Tancrède se prit à rire, et il s'assit sur un fauteuil au pied du lit, et il la regarda dormir. Il resta quelques moments en contemplation devant cette douce image, et tout son avenir lui apparut. Il se figura les jours heureux qu'il passerait auprès de Clarisse, le plaisir qu'il aurait à l'emmener avec lui, à la présenter à sa mère. Il était bien certain que Madame Dorimont aimerait Clarisse. Cette jeune fille devait lui plaire par son esprit, la délicatesse de ses sentiments. Il songea à ce prétendu dont on menaçait Clarisse. Il se demanda pourquoi Madame de D voulait la marier. Il fit d'amères réflexions sur la manie des grandes dames qui veulent toujours protéger sans se rappeler l'ingrat qu'il devait à cette manie le plaisir d'avoir vu Clarisse. Il s'amusa de l'idée que cette jeune fille refusait un vrai mariage pour lui qu'elle ne connaissait pas, qu'elle aimait en rêve. Il trouva ce succès très flatteur. Il pensa que c'était pour lui un bienheureux hasard que cette rencontre avec M. de Balzac, à laquelle il devait sa fortune et son bonheur. Il remercia dans son âme M. de Balzac, qui lui avait prêté sa canne. Il acheta en idée une jolie maison de campagne près de Blois, et y fit préparer pour son illustre ami un bel appartement que lui seul aurait le droit d'habiter. Il se souvint aussi de M. Nantua, des secours qu'il avait trouvés en lui, de la brillante fortune qu'il lui devait. Il prépara aussi en idée un petit appartement dans sa maison de campagne pour M. Nantua. Et puis il pensa au plaisir d'avoir une jolie femme à lui tout seul, une jeune fille bien ignorante et bien naïve, que l'amour effarouche et qu'un mot fait rougir. Un jeune cœur tout frais qui n'a jamais aimé, dont vous avez la première émotion, la première joie. Et comme toutes ces idées sont fort douces, elles le bercèrent mollement. Par degrés, sa promenade du matin, le silence, le demi-jour, la sympathie du sommeil, la pureté de ses sentiments, peut-être, agir sur ses sens, et malgré lui, entraîné par l'exemple, il finit par s'endormir à son tour. Sa tête se pencha lentement sur le lit, elle y resta appuyée, et la canne qu'une main endormie ne soutenait plus glissa bientôt sur le tapis. Quand le jour parut, Clarisse entr'ouvrit les yeux. Quel fut son étonnement, son effroi, en apercevant en face d'elle un homme endormi au pied de son lit. Elle eut tellement peur qu'elle ne put crier. Elle resta un moment saisie et stupéfaite. Enfin, retrouvant la voix, « Maman !» s'écria-t-elle. Tancrède se réveilla en sursaut. Il fut quelques instants lui-même avant de se rappeler où il était. Il regardait la jeune fille, et les yeux de Clarisse, fixés sur lui avec effroi, le déconcertaient. « Je ne suis donc plus invisible, » pensait-il. Alors il se ressouvint de la canne, et la voyant tomber à ses pieds, il comprit comment il s'était trahi. Il en éprouva d'abord un vif chagrin, songeant à M. de Balzac et au secret qu'il avait promis de garder. Mais bientôt, se rappelant le caractère crédule de Clarisse, il se rassura. Il ramassa la canne adroitement et cessa d'être visible. Les yeux de Clarisse étaient toujours attachés sur lui, mais comme elle ne le voyait plus, son regard n'était plus le même. Chose étrange, elle avait peur quand il était là, et maintenant elle était triste parce qu'il n'y était plus. Elle resta longtemps à réfléchir, et ne voyant personne dans sa chambre, remarqua que la porte était bien fermée. Elle se persuada qu'elle n'avait rien vu. « Quel singulier rêve !» dit-elle tout haut en soupirant. Et puis elle se remit de nouveau sur son oreiller, peut-être dans l'espoir de continuer ce rêve. Tancrède l'aima de cette crédulité. « Elle va trouver cette apparition toute naturelle, » se disait-il. « Elle aime bien mieux croire qu'elle perd l'esprit que d'imaginer qu'un homme amoureux d'elle veuille la séduire. » Et voilà pourquoi les âmes supérieures sont si faciles à tromper, c'est que les choses les plus extraordinaires, les fascinations, les phénomènes, les miracles, tout enfin leur paraît plus probable qu'une méchante action. Tancrède retourna chez lui en riant de cette nuit d'amour passée si paisiblement. D'abord il se regarda comme un niais qui n'avait pas su profiter d'une aussi bonne occasion. Ensuite, il se jugea comme un honnête homme, qui aurait rougi d'abuser de l'innocence d'une jeune fille. Mais enfin, Comme il avait l'esprit juste, il s'avoua qu'il n'était qu'un égoïste, qui respectait déjà, dans la pureté de Clarisse, la réputation de sa femme. Clarisse passa la journée assez gaiement, mais avec une grande émotion, au fond du cœur. Cette agitation vague et brûlante qui a tant de charme. Elle se dit qu'elle avait eu une vision, un sommeil agité, suite de la fatigue qu'une course trop longue lui avait causée. J'avais la fièvre, sans doute une fièvre de courbature. Elle n'y pensa plus. Quand le soir vint, elle se sentit plus craintive. Un instinct l'avertissait de se défier. Elle n'osa se mettre au lit. « Je n'ai pas sommeil, je vais lire. » Non, je vais copier ces vers de Madame Valmore, ange gardien que j'aime tant. Elle s'assit devant sa table, mais au moindre bruit, elle levait les yeux, elle tremblait. S'il allait venir, pensait-elle. Tout à coup, elle s'imagina qu'il y avait une porte secrète dans sa chambre. Elle prit un flambeau et se mit à faire des perquisitions. Sa chambre était si petite qu'elle l'eût bientôt passée en revue. Ni porte secrète, ni trappe, il n'y avait pas moyen de placer la moindre aventure fantastique dans cette bourgeoise demeure. Clarisse fut honteuse de ses recherches. Elle pensa à toutes les plaisanteries que ferait sa mère si elle la surprenait ainsi, courant au milieu de la nuit après un fantôme. Elle se remit à écrire, et elle resta toute la nuit sans se déshabiller, sans dormir. Elle se disait toujours qu'elle n'avait rien à craindre, mais elle agissait comme si elle était en danger. Tancrède vint la voir le matin. Il la trouva très pâle, et s'apercevant qu'elle ne s'était pas couchée de toute la nuit, il se reprocha de lui avoir causé tant d'inquiétude. Il cherchait un moyen de la rassurer. « Pauvre petite, est-ce qu'elle va passer toutes les nuits ainsi? Elle se rendra malade, » pensa Tancrède. Alors l'idée la plus étrange lui tomba dans l'esprit. Pendant que Clarisse était auprès de sa mère, Tancrède prit la plume qu'elle venait de quitter, et, à la suite du paragraphe à demi copié, il écrivit ces mots. « Je ne viendrai pas demain, Tancrède. » Chapitre 22. Un jour d'inspiration. Je ne viendrai pas demain. Mais il est donc venu tous les jours. Il doit donc revenir encore. Quel mystère! Mon Dieu, que dois-je penser? Clarisse resta des heures entières à regarder cette écriture. Sa tête se perdait en suppositions. Ses idées se brouillaient. C'était un dédale de conjectures à n'en plus finir. D'abord, ce nom de Tancrède l'inquiéta. On veut se moquer de moi, de mon caractère romanesque, pensa-t-elle. Et l'on a choisi ce nom de tragédie pour me faire sentir que c'est un ridicule que de faire des vers. Ensuite, elle s'accoutuma à ce nom. Elle finit par l'aimer. Elle se rappela l'air noble, les doux regards de celui qui le portait. Elle se dit qu'un être si parfaitement beau ne pouvait être méchant et se jouer lâchement d'une jeune fille innocente et sans protecteur. Elle se rassura, et dès qu'elle fut rassurée, elle aima passionnément. Le doute effacé, il y eut une réaction de confiance. Elle s'y abandonna avec naïveté. « Oui, disait-elle, je crois en lui. C'est quelqu'un qui m'aime. Il ne veut point me tromper. Il viendra, je lui donne ma vie. Jamais je n'aimerai que lui. Tant mieux s'il me voit, tant mieux s'il m'entend. Il saura toute ma pensée. Il saura que je n'espère qu'en lui, que je l'aime comme l'ange gardien qui veille sur mes jours. Désormais, je ne parlerai, je n'agirai que pour lui plaire, je ne ferai rien qui puisse l'affliger. Ah, quel bonheur s'il m'accompagne toujours. Il verra comme je l'aime, il m'aimera. Je savais bien que mes rêves s'accompliraient. Tout en pensant ainsi, Clarisse s'enflammait des sentiments les plus poétiques. Malgré elle, ses émotions se formulaient en vers harmonieux. Ce souvenir de l'ange gardien qui présidait à ses beaux jours l'inspira. Elle passa toute la nuit à travailler, c'est-à-dire à soulager son âme par l'expression naïve de ses sentiments. Et le lendemain, lorsque Tancrède invisible revint près d'elle, il la trouva aux prises avec la muse. Il vit que le moyen qu'il avait employé pour calmer son imagination n'avait servi qu'à l'exalter encore. Cela devait être, Aussi ne fut-il pas très étonné. N'importe, il se félicita de cette folle idée. L'agitation de la crainte avait fait place à celle de l'inspiration, et cela valait beaucoup mieux. On a fabriqué des ruches en cristal, à travers lesquelles on voit les abeilles travailler. On devrait faire les chambres des poètes transparentes pour les observer dans l'inspiration. Quel beau spectacle que celui d'une riche pensée qui s'éveille. Tancrède, grâce à son invisibilité, avait été à même d'observer la femme aux prises avec la passion, en proie à ses souvenirs d'amour. Et maintenant il observe la jeune fille aux prises avec son génie, en proie à ses involontaires désirs, à ses pures espérances d'amour. Que Clarisse lui parut charmante ainsi, que ses yeux étaient beaux, parés de leur génie. Ses blonds cheveux descendaient en vagues d'or sur ses blanches épaules. Son teint était éblouissant d'éclat. Sa bouche était inspirée. Son sourire était rayonnant. Tancrède la contemplait avec ravissement. Alors ils avaient changé de rôle. Ce n'est plus lui. C'est elle maintenant qui semble un être idéal. C'est elle qui est l'apparition céleste, l'image divine qui fascine les regards. Tancrède ébloui, transporté, croyait voir l'ange de la poésie. Il cherchait déjà ses blanches ailes. Clarisse lui parut idéale, sublime, si belle qu'il cessa de l'aimer un moment. Il l'admira. Mais elle dit ses vers qu'elle venait de finir. Ses vers étaient pour lui, et quand il comprit que son amour les avait inspirés, il lui pardonna d'avoir eu le talent de les faire. Mon ange gardien, comme l'être immortel que chante Marceline, son front n'est point orné de rayons éclatants. Il n'a point la fraîcheur et la grâce enfantine des roses du printemps. Son voile n'est pas d'or, sa robe n'est pas blanche, comme le nénuphar, ami des flots déserts. Sur mon cœur, tout à lui, jamais il ne se penche en répétant mes vers. Jamais je n'entendis sa voix lente et sonore me murmurer bien bas ses mots doux et confus, langage harmonieux que l'on écoute encore quand on ne l'entend plus. Jamais, jamais sa main n'a tremblé dans la mienne. Un seul jour ses yeux noirs ont rencontré mes yeux. Il tient pourtant ma vie enchaînée à la sienne, comme la terre aux cieux. À l'heure poétique où le jour qui décline étend un voile rouge au bord de l'horizon, quand l'oiseau qui chantait joyeux sur la colline s'endort dans le buisson. Mon ange m'apparaît, mais comme dans un rêve, ses traits sont recouverts d'une blanche vapeur. Il me semble qu'alors dans ses bras il m'enlève, et quelquefois j'ai peur, et je passe ma main sur ma tête brûlante. Ma voix d'émotion devient toute tremblante, et je dis à mon ange, « Oh, parle, parle-moi. S'il ne faut que mourir pour être ton ami, va, tu peux à ton gré disposer de ma vie, car ma vie est à toi. Mais hélas, je ne suis qu'un enfant de la terre, et toi, dont l'existence est un divin mystère, toi, que la brise endort dans un palais d'azur, pourras-tu bien m'aimer ? Oh, j'en ai l'espérance, fils des cieux, mon amour parfumé d'innocence doit plaire à ton cœur pur. Sans toi j'aurais passé solitaire incomprise dans ce vallon de pleurs où le poète brise son âme à chaque pas vers l'immortel séjour. Souvent j'aurais tourné mes yeux pleins de tristesse et j'aurais vu pâlir les fleurs de ma jeunesse avant la fin du jour. Sois béni. Mais pour fuir aux sphères éternelles, déploierais-tu déjà tes transparentes ailes? Ton absence est un mal qui me fait tant souffrir. Oh, donne-moi la main, montons au ciel ensemble. Rapide, il disparaît. Puis alors il me semble que mon cœur va mourir. Mais je sens tout à coup pénétrer dans mon âme un souvenir plus doux que la voix d'une femme. Car mon ange m'a dit, un jour tu me verras. Quand les nobles enfants de la sainte harmonie poserons sur ton front les palmes du génie, je t'ouvrirai mes bras. Il ne m'abuse point, non, je crois sa parole, comme je crois des cieux le sublime symbole. Il sait bien qu'ici-bas, il est mon seul appui. Du livre de ma vie, il a lu chaque page. Il sait que mon cœur, pur comme le lys sauvage, n'a battu que pour lui. Ô vous qui souriez à ce mystère étrange, ne me demandez pas le doux nom de mon ange, c'est un secret. Mon cœur plus calme désormais ne le dira qu'à Dieu. Mais la foule moqueuse, la foule qui se rit de toute âme rêveuse, ne le saura jamais. Chapitre 23. Une illusion détruite. Après les heures d'inspiration, viennent les jours d'abattement. La raison reparaît à mesure que les douces images s'évanouissent. La pauvre Clarisse recommença à s'inquiéter. Ou c'est quelqu'un qui a gagné Marguerite et qui s'amuse à m'épouvanter pour se moquer de moi, se disait-elle, et cela me fait peur. Ou c'est mon imagination qui est malade. Alors je deviens folle et c'est affreux. Cette idée la tourmentait, elle n'osait dire tout ce qu'elle éprouvait à sa mère, dans la crainte de l'inquiéter à son tour. Mais on ne la voyait plus rire, sa pauvre âme était toute troublée. Elle devenait pâle, son beau teint s'attristait. Madame Blandet, attribuant cette mélancolie au projet de mariage qu'elle avait favorisé, n'osait plus en parler. Mais Tancrède, qui en savait la cause, eut pitié d'elle. Lui-même s'effraya de l'exaltation qu'il avait fait naître. Il se reprocha d'avoir joué avec une imagination trop ardente, et pour détruire l'effet trop dangereux d'un rêve, il appela la réalité à son secours. Un matin donc, il fit louer une loge au Théâtre Français, et envoya un coupon de cette loge à Madame Blandet, de la part de Madame la Comtesse de D. Clarisse voulut questionner le domestique qui avait apporté cette loge. Il était déjà reparti. Elle s'étonna que Madame de D ne lui eût pas écrit un mot, mais elle pensa qu'elle avait probablement chargé son domestique d'une explication qu'il avait oubliée. Et la mère et la fille se rendirent au Théâtre Français, croyant qu'elles y allaient dans la loge de Madame de D. « La comtesse n'est pas encore arrivée ?» demanda Madame Blandet à l'ouvreuse. L'ouvreuse, qui ne savait de qui on voulait parler, répondit « Il n'est encore venu personne. »« Il est de bonne heure, » dit Clarisse. « Madame de D connaît sans doute cette pièce, elle viendra tard. » On donnait Angelo, un drame de Victor Hugo, joué par Mademoiselle Mars et Madame Borval. C'était un choix merveilleux pour une jeune fille de province qui n'était jamais allée au spectacle. Eh bien, Clarisse n'écouta pas un mot de l'ouvrage. Elle oublia qu'il était de Victor Hugo. Elle ne vit ni Mademoiselle Mars, ni Madame Borval. Elle ne vit rien sur la scène, elle ne vit rien dans la salle. Rien qu'un fantôme, un être fantastique dont l'aspect la saisit d'épouvante. Un inconnu qu'elle reconnaissait. Un grand jeune homme au front pâle et mélancolique, aux yeux noirs et brillants, qui se tenait debout à l'entrée du balcon et qui la regardait attentivement. Le même qu'elle avait aperçu chez Madame de D. Le même qu'elle avait vu un soir dans la chambre de sa mère. Le même qu'elle avait entrevu un jour dans sa glace. Le même qu'elle avait vu dormir au pied de son lit. Le même aux surprises, au bonheur, peut-être. À cette vue, elle resta immobile, anéantie. Elle fut si troublée qu'elle eut peur de se trouver mal. Les sentiments les plus divers l'agitèrent. D'abord, elle éprouva une grande joie de découvrir que celui qu'elle aimait en rêve existait réellement. Et puis, un sentiment de crainte l'attrista. Il y a toujours quelque chose d'amer dans la vérité. En voyant son être idéal parlant, souriant comme un monsieur, elle se défia de lui. « Oui, c'est quelque jeune fat qui s'est moqué de moi, » pensa-t-elle, et un doute affreux lui saisit le cœur. Elle retomba dans son découragement, et des larmes coulèrent sur ses joues, sans qu'elle songeât à les essuyer. Madame Blandet, tout occupée d'Angelo, ne remarqua point l'émotion de sa fille, que d'ailleurs elle eût attribuée au malheur de Catarina. Clarisse resta quelques moments absorbée par la plus pesante rêverie. Lorsqu'elle releva les yeux, elle s'aperçut qu'il la lorgnait, lui, le bel inconnu, l'idéal défloré. Car elle éprouvait le contraire de ce qui afflige ordinairement. C'est la réalité qu'on regrette. Ce que je croyais exister n'était qu'une vaine illusion. Mais elle, c'est l'illusion qu'elle regrettait. Elle pleurait son fantôme si cher. Elle craignait que la vérité ne lui ôtât tout son prestige. Elle avait peur de ne plus l'aimer. Pendant l'entracte, cherchant à se calmer, elle voulut triompher de son émotion et fixer ses yeux sur lui à son tour. Mais elle le vit quitter la place où il était et sortir de la salle. Un instinct inexplicable l'avertit qu'il allait venir lui parler. Et lorsqu'elle entendit la porte de la loge s'ouvrir, elle éprouva un battement de cœur violent. Elle sentait que c'était lui. C'était lui. Clarisse n'osait le regarder. Elle tremblait. « Pardon, mesdames, dit-il en entrant dans la loge. Madame de D n'est pas encore arrivée ?»« Non, monsieur, reprit Madame Blandet, cela m'étonne. Peut-être ne viendra-t-elle pas, continua Tancred de l'air le plus naturel. Je l'ai vue ce matin, elle a plusieurs personnes à dîner chez elle aujourd'hui, elle ne sera sans doute libre que fort tard. » Et Tancred s'établit dans la loge, comme si Madame de D lui avait dit de l'y attendre, et pour mieux expliquer sa présence, il parla d'elle comme s'il la connaissait intimement. Madame Blandet soutenait la conversation. Clarisse ne disait rien. Elle écoutait parler Tancred, sa voix lui plaisait tant. Son accent avait quelque chose de doux et de loyal qui la rassurait. Madame de D est une femme charmante, disait Madame Blandet, si belle, si gracieuse. Elle est ravissante, reprenait Tancred avec enthousiasme, pleine d'esprit, d'instruction. C'est une personne très distinguée. Tout cela ne l'amusait à dire que parce qu'il n'en savait rien. Il n'avait jamais vu Madame de D que le jour où il était allé en fraude chez elle. Il pouvait la trouver belle puisqu'il l'avait vue, mais il ne pouvait louer son esprit qu'au hasard. Il allait continuer et inventer encore d'autres qualités à Madame de D lorsqu'il jeta les yeux sur Clarisse. L'expression pénible de son visage l'arrêta. Il comprit le sentiment de jalousie qui l'avait fait soudain pâlir. Et pour détruire le fâcheux effet des éloges qu'il prodiguait à Madame de D, il ajouta « Malheureusement, nous allons bientôt la perdre, elle retourne en Italie dans 8 jours. » Ces mots furent magiques. Les joues de Clarisse devinrent roses de plaisir. Un sourire involontaire éclaira ses traits. « C'est une mauvaise nouvelle que vous donnez à ma fille, » dit Madame Blandet, qui n'avait pas suivi ce drame muet. « Madame de D est sa seule protectrice à Paris. Son absence nous fera grand tort. » « Mademoiselle, votre fille peut se passer de protectrice maintenant, » dit Tancred d'un ton que Clarisse seule devait comprendre. Puis il ajouta pour Madame Blandet, « Son talent est déjà célèbre. »« N'importe, » dit Madame Blandet, « je regrette Madame de D. Il est bien malheureux pour nous qu'elle parte. »« Vous vous passerez d'elle, croyez-moi, » reprit Tancred, et s'adressant à Clarisse, « N'est-ce pas, mademoiselle, que maintenant vous n'avez plus besoin de personne ?» Il dit ces mots si tendrement que Clarisse rougit. Elle baissa les yeux et ne répondit rien. « Parle donc, ma fille, » dit Madame Blandet. « Tu as enfant ce soir ? On ne peut t'arracher un mot. » « Clarisse n'est jamais allée au spectacle de sa vie, monsieur, » continua Madame Blandet. « Il n'est pas étonnant qu'elle soit si troublée de se trouver ici. Elle n'est pourtant pas timide. Vous étiez peut-être chez Madame de D le soir où Clarisse y a dit des vers. » « Sans doute, j'y étais, » répondit Tancred. Et jamais je n'oublierai ce jour-là. Ce fut pour moi une soirée d'émotion et d'aventure. Non seulement j'ai eu le plaisir d'entendre les beaux vers de Mademoiselle et ceux de Lamartine, mais encore je me suis bien amusé. J'avais parié avec un de mes amis que je garderais mon chapeau sur ma tête tout le temps que Lamartine dirait des vers et que personne ne s'en apercevrait. En écoutant ce récit, Madame Blandet et sa fille se regardèrent. Et j'ai gagné mon pari. Vous l'avez perdu, dit vivement Clarisse. Et puis elle fut très confuse d'avoir dit cela. « Ma fille a raison, » reprit Madame Blandet, « car je me rappelle que ce soir-là, en rentrant, elle-même m'a parlé avec étonnement d'un jeune homme qu'elle avait remarqué parce qu'il avait gardé son chapeau. Alors je lui ai dit que c'était impossible et qu'elle déraisonnait. » Eh bien, c'était exact, vous le voyez, les choses les plus extraordinaires finissent toujours par s'expliquer. Ces mots qui s'adressaient encore à Clarisse la firent rougir une seconde fois. La toile se leva, le second acte commença. Madame Blandet se tourna du côté du théâtre et ne songea plus qu'à la pièce et aux acteurs. Clarisse voulait écouter. Elle ne le pouvait pas. Tantôt elle regardait sans voir, tantôt elle baissait la tête et restait plongée dans ses rêveries, accablée par une profonde émotion. Tancrède, remarquant sa préoccupation, lui dit en souriant « Vous n'aimez donc pas le spectacle, mademoiselle ? C'est pourtant mademoiselle Mars qui joue là. »« Ah, c'est mademoiselle Mars, » dit-elle. « Oui, c'est elle qui joue le rôle de Thisbé. Voyez, je ne vous trompe pas. » Et Tancrède montrait un petit journal qu'il tenait à la main, où le nom des acteurs était indiqué. Clarisse se retourna pour lire la page qu'il lui présentait. Mais elle se trouva si près de lui qu'elle hésita. Elle osa pourtant le regarder. Oh, comme alors elle fut troublée! Elle le voyait, lui, qu'elle n'avait jamais aperçu qu'en rêve. Il était là, il lui parlait. Il avouait sa présence. Que ce moment était plein de délices! En la voyant si belle et si émue, il oublia le rôle qu'il jouait. « Clarisse, dit-il avec la plus tendre émotion, me reconnaissez-vous ? » Elle le regarda tout étonnée. « J'ai peur d'être folle, dit-elle. C'est un homme affreux, s'écria Madame Blandet, que les procédés du tyran de Padoue envers sa femme révoltaient. Et l'on ne s'occupa plus que d'Angelo. Chapitre 24. Un rêve réalisé. Quand le spectacle fut terminé, « Puisque Madame Dedé vous abandonne, dit Tancrède, permettez-moi, mesdames, de vous accompagner. » Madame Blandet accepta le bras de Tancrède avec d'autant plus de confiance qu'elle le croyait un ami intime de cette même Madame Dedé, devenue un personnage fantastique. Tancrède reconduisit dans sa voiture Madame Blandet et sa fille jusque chez elle. Arrivé là, il fit semblant de les quitter, mais il prit sa canne de la main gauche et rentra chez elle, invisible, pour savoir ce qu'elles allaient dire de lui. « Eh bien, tu avais raison, mon enfant, » dit Madame Blandet en entrant dans sa chambre. « Ce jeune homme était chez Madame de D. »« Ah, maman, si tu savais !» s'écria Clarisse. Mais elle n'acheva pas. En face d'elle, elle avait aperçu Tancrède qui lui faisait signe de se taire. Elle fut déconcertée. Madame Blandet, remarquant son agitation, voulut la calmer et dit adroitement « Il est fort beau, ce jeune homme, mais je le crois fort bête. Je ne serais pas étonné qu'il ne fût aimable que comme fantôme. Qu'en penses-tu, toi ?»« Je lui crois, au contraire, beaucoup d'esprit, » répondit Clarisse. Et puis elle se mit à rire, parce qu'elle pensait que Tancrède était peut-être encore là et qu'il pouvait avoir entendu ce qu'avait dit sa mère. Cependant, cette présence mystérieuse l'inquiétait. Elle n'osait s'éloigner, et ce ne fut que lorsque Madame Blandet lui dit « Va te reposer, mon enfant, tu as l'air souffrant, le spectacle t'a fait mal », que Clarisse se décida à se retirer chez elle. Elle embrassa sa mère plus tendrement que jamais et s'éloigna. Elle marchait pensive et lentement, mais en entrant dans sa chambre, quelle fut sa surprise, son effroi, en apercevant Tancrède assis devant son bureau. Il avait l'air parfaitement tranquille. Il était établi là comme un frère qui attend sa sœur, un mari qui attend sa femme. Le premier mouvement de Clarisse fut de s'enfuir et de retourner auprès de sa mère, mais un regard de Tancrède la retint. « Ne craignez rien, dit-il d'un ton doucement respectueux. Venez, Clarisse, j'ai à vous parler. » Clarisse restait immobile. « Venez donc, enfant, avez-vous peur de moi ? Depuis le temps que je viens ici tous les jours, vous devriez avoir plus de confiance. Pourquoi cette crainte ? Je ne la mérite pas. » L'accent de reproche dont Tancrède dit ces mots affligea la jeune fille. Elle fit quelques pas vers lui, puis elle s'arrêta. Tancrède fut blessé de tant de défiance. « Vous ne me comprenez pas, dit-il avec tristesse. Adieu. » Et il prit la canne de sa main gauche. Clarisse, ne le voyant plus, enhardie par le regret et l'absence, s'élança vers la place qu'il était censé avoir quittée, et elle se trouva près de lui. « Quel prodige ! » dit-elle. « Oh, que j'ai peur !» Rassurez-vous, Clarisse, dit Tancrède, redevenu visible. Je vous expliquerai un jour ce mystère. Maintenant, je ne veux m'occuper que de notre bonheur. Dites-moi, soyez franche, voulez-vous être ma femme ? Moi, monsieur, dit-elle avec embarras, mais je ne vous connais pas. Clarisse, vous ne dites pas vrai, c'est mal. Me voyez-vous donc aujourd'hui pour la première fois ? Mais connaissez-vous votre ange gardien ? Ajouta-t-il en souriant. Oh non, dit-elle, c'est bien vous, n'est-ce pas ? C'est bien moi que vous aimez. Oui, mais pourtant je ne vous connais pas. Dites-moi qui vous êtes, par quel mystère ? Ne m'interrogez pas. Je ne puis vous répondre encore. Demain, Clarisse, je viendrai parler à votre mère. Elle saura que je vous aime, que je veux vous épouser, mais ne lui dites rien de nous. Tout ceci est un secret qu'elle doit ignorer. Mais si elle me demande où je vous ai vu, dans vos rêves. D'ailleurs, ne m'avez-vous pas déjà rencontré chez madame de D ? À propos, et ce jeune homme à qui elle voulait vous marier ? C'était vous ? S'écria Clarisse. Moi, non, vous ne le connaissez donc pas. Je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas voulu aller chez madame de D le jour où il y était. Fort bien, reprit Tancrède en riant. Je dirai à votre mère que c'était moi. Mais, à moi, vous m'expliquerez la vérité ? Cela m'est impossible. Ne me demandez pas un secret qui n'est pas le mien. C'est celui d'un de mes amis. Je ne suis pas libre de le confier, même à vous. Je dois me taire. Je devine, s'écria Clarisse vivement. Cet ami est le propriétaire de notre maison. Je me rappelle l'avoir vu sourire l'autre jour, quand je l'ai rencontré dans le jardin. C'est lui qui nous a trahis. Il vous a donné toutes les clés de notre appartement pour pénétrer chez nous. Tancrède se mit à rire de cette idée, et comme Clarisse l'avait adoptée, il la lui laissa. Les personnes qui ont de l'imagination agissent toujours ainsi. Elles fournissent aux autres l'idée qui doit les tromper. Cependant, les doubles clés n'expliquaient pas ces apparitions et ces disparitions subites qui effrayaient tant Clarisse. Elle insista encore. Tancrède allait se fâcher. « Vous ne m'aimez pas, dit-il. L'amour n'exige pas tant d'explications. » « Eh bien, dites-moi seulement, est-ce que vous serez toujours là sans que je le sache ?»« Ah, vous avez déjà peur, madame, » reprit Tancrède en plaisantant. « Ce n'est pas cela, mais j'aime mieux vous voir. » Et Clarisse, en parlant ainsi, attachait sur lui ses beaux yeux avec tant de plaisir que cela donnait beaucoup de vérité à ses paroles. Qu'elle était belle alors. Tancrède, qui affectait une froideur pleine de dignité, ne put résister à ce regard. Il attira Clarisse près de lui et l'embrassa bien tendrement. « C'est étrange, dit-elle. Il me semble, un jour, j'ai rêvé. » Et puis, elle lui demanda naïvement, « Est-ce la première fois que je vous embrasse ?»« Non, mais ne m'interrogez pas. Bonsoir, reposez-vous. Dormez bien. » Vous ne rêverez pas. Dormez à demain. Adieu, Clarisse. Adieu, ma femme. Et il s'éloigna bien vite, car il avait peur de lui. Clarisse vit sortir Tancrède par la porte, comme un être réel, non plus comme un fantôme. Ses yeux le suivirent avec amour. Dès qu'elle fut seule, elle se mit à sauter de joie comme un enfant. « Tout cela est donc vrai ? S'écria-t-elle. Et la joie enivrait son cœur. Avant de se coucher, elle regarda encore autour d'elle dans la chambre pour voir s'il était tout à fait parti. Mais réellement, il n'était plus là. Un mois après, il y revint, non plus comme un être invisible, mais comme un mari adoré qu'elle devait voir auprès d'elle toujours. Madame Blandet fut éblouie de ce brillant mariage qu'elle attribua au talent de sa fille, et qui n'était dû qu'à la merveilleuse canne de M. Balzac. La célébrité n'avait fait valoir que le génie naissant de Clarisse. La canne bienfaisante avait fait connaître la pureté de sa vie, la simplicité de son cœur, le charme de son caractère. La canne, bien au contraire, avait réparé le tort que la célébrité lui avait fait. Elle avait appris à Tancrède que les âmes qui se conservent pures dans le monde sont celles qui vivent d'illusions, et que si la célébrité est un flambeau qui jette trop d'éclat sur la vie, la poésie du moins est un saint voile qui couvre et préserve le cœur. Bienheureux ceux qui sont poètes, bien malheureux qui ne l'est plus. Tancrède emmena sa jeune femme à Blois, chez sa mère. Clarisse quitta Paris sans regret. Elle oublia les succès qu'elle y pouvait obtenir. Ses vœux avaient été comblés au-delà de ses espérances. À Paris, elle n'était venue chercher que la gloire. Elle y avait trouvé le bonheur. Qu'est devenu Lacan, dira-t-on? Vous allez le savoir. Elle est retournée aux mains de M. de Balzac. Et les héritiers Boisrouge vont paraître.